Eh bien, dit-il, c'est une affaire entendue, n'est-ce pas? Elle ne répondit point d'abord. Puis, comme il restait debout, la regarde de son regard obstiné, elle articula péniblement. Non, notre maître, je ne peux pas. Mais il s'emporta tout à coup. Tu ne peux pas, la fille? Tu ne peux pas, pourquoi ça? Elle se remit à pleurer et répéta. Je ne peux pas. Il la dévisageait. Il lui cria dans la face. C'est donc tu es un amoureux? Elle balbutia, tremblant de honte. Peut-être bien que c'est ça. L'homme, rouge comme un coquelicot, baudouillé de colère. Ah ah! Tu l'avoues donc, gueuse! Et qu'est-ce que c'est, ce merle-là? Un va-nu-pieds, un sale sou, un couche-dehors, un crève-la-faim. Qu'est-ce que c'est, dis! Et comme il ne répondait rien. Ah, tu ne veux pas. Je vais te le dire, moi. C'est Jean Baudu? Elle s'écria. Oh non, pas lui. Alors, c'est Pierre Martin? Oh non, notre maître. Et il nommait éperdument tous les garçons du pays, pendant qu'elle niait, accablée, et s'essuyant les yeux à tout moment du coin de son tablier bleu. Mais lui, cherchait toujours, avec son obstination de brute, grattant à ce cœur pour connaître son secret, comme un chien de chasse qui fouille un terrier tout un jour pour avoir la bête qu'il sent au fond. Tout à coup, l'homme s'écria. Hé, hey, pardine! C'est Jacques, le valet de l'autre année. On disait bien qu'il te parlait, et que vous étiez promis mariage. Roy suffoqua. Un flot de sang pourpra sa face. Ses larmes tarirent tout à coup. Elles se séchèrent sur ses joues, comme des gouttes d'eau sur du fer rouge. Elle s'écria. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Est-ce bien sûr ça? Demanda le paysan malin, qui flairait un bout de vérité. Elle répondit précipitamment. Je vous le jure, je vous le jure. Elle cherchait sur quoi jurer, n'osant point invoquer les choses sacrées. Il interrompit. Il te suivait pourtant dans les coins, et il te mangeait des yeux pendant tous les repas. Lui as-tu promis ta foi, hein, dis? Cette fois, elle regarda son maître en face. Non, jamais, jamais. Et je vous jure par le bon Dieu que s'il venait aujourd'hui me demander, je ne voudrais pas de lui. Elle avait l'air tellement sincère que le fermier hésita. Il reprit, comme se parlant à lui-même. Alors quoi? Il n'était pourtant pas arrivé un malheur, on le saurait. Et puis, il n'y a pas eu de conséquence. Une fille ne refuserait pas son maître à cause de ça. Il faut pourtant qu'il y ait quelque chose. Elle ne répondait plus rien, étranglée par une angoisse. Il demanda encore, « Tu ne veux point ?» Elle soupira, « Je ne peux pas, notre maître. » Et il tourna les talons.